Bonjour mes frères et sœurs, et nous allons voir ce matin un autre texte de l'Épître aux Hébreux. Notre Père du ciel, garde-nous en toi. Tout dans ce monde, tout dans notre chair veut nous pousser loin de toi. Mais dans ta grande miséricorde, tu as mis en nous un esprit nouveau et tu as mis en nous ton esprit afin qu'on puisse aimer le Fils, adorer le Fils, glorifier le Fils, servir le Fils et toi. Ô Seigneur, garde-nous de jamais de nous détourner de toi. Car en dehors de toi, ce n'est que mensonge, chaos, malheur. Tu es notre seule espérance dans ce monde et pour l'éternité. Amen. Nous allons lire, si vous voulez bien, le chapitre 2, versets 1 à 4. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Car, si par la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Le salut annoncé d'abord par le Seigneur nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges, de divers miracles et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Je vous avais parlé dans mon introduction qu'à 7 reprises environ, l'auteur va emmener des avertissements. Des avertissements de condamnation sur ceux qui abandonnent la foi. Et ici, nous avons le premier. Et l'auteur va nous dire ici que si nous rejetons le Fils, le jugement va être beaucoup plus sévère que ceux qui désobéissaient à la loi de l'Ancien Testament. Ces avertissements-là dans l'Épître aux Hébreux sont tellement forts qu'ils ne parlent pas ici de conséquences, de châtiments sur la terre, de punition ou de correction pour les croyants sur la terre. Il ne parle pas non plus de conséquences dans le ciel, comme on pourrait dire une perte de récompense ou de bénédiction dans le ciel, parce qu'on n'aura pas été des bons croyants. Non, les conséquences sont trop fortes pour être cela. Ici, il parle, si nous négligeons, si nous rejetons un si grand salut, donc, si je néglige le salut apporté par Jésus-Christ, je ne peux pas être juste châtié. Je suis condamné. Donc, regardons notre texte. Il dit, c'est pourquoi, à cause de ce qu'on a vu dans le chapitre 1, à cause de celui qui nous a parlé dans les derniers temps, à cause de la supériorité de celui qui nous a parlé, nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues de lui, de peur que nous soyons emportés loin d'elle. Il dit, attachons-nous à ce que nous avons entendu du Fils qui nous a parlé dans les derniers temps, de peur d'être entraînés loin de ce qu'il a dit. Car, au verset 2, il dit, si la parole annoncée par des anges a eu son effet, quelle parole a-t-elle annoncée dans les anges? Si vous allez dans le Deutéronome et dans les 5 premiers livres de la Bible, et vous recherchez le mot ange, vous allez voir, ils sont partout. Ils sont partout quand Dieu a donné la loi aussi à Moïse. Dieu a utilisé les anges pour amener la loi à Moïse. Et si les paroles annoncées par des anges ont eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance ont reçu une juste rétribution. Donc, ceux qui ont transgressé les paroles amenées par des anges ont été punis et châtiés. À plus forte raison. Comment est-ce qu'on pense qu'on va échapper à la condamnation si on néglige le salut annoncé par Jésus-Christ? Parce que c'est le salut annoncé d'abord par le Seigneur. Donc, si vous comparez les deux messagers, ceux qui ont rejeté les messagers de l'Ancienne Alliance, de l'Ancien Testament, les anges ici en l'occurrence, même si on embarquait là-dedans les prophètes, ceux qui ont rejeté ont été condamnés, ont reçu une juste rétribution. Vous vous souvenez? Ils sont tous morts dans le désert. Ils n'ont pas pu rentrer dans la terre promise. Tous ces hommes et ces femmes qui avaient reçu les paroles de Dieu à travers les anges ont reçu une juste rétribution. Mais dit, comment pensons-nous ou quelle folie nous anime de penser que si on rejette et on néglige un si grand salut, on va pouvoir être sauvé quand même? C'est impossible, dit-il. C'est impossible. Ce salut, cet évangile, cette bonne nouvelle nous a été annoncé d'abord par le Seigneur Jésus, le Fils envoyé par lequel Dieu nous a parlé. Ce Fils créateur, ce Fils souverain, ce Fils roi, ce Fils qui a un nom plus excellent que les anges. Comment espérons-nous échapper à la condamnation de Dieu, au juste jugement de Dieu? Ceux qui ont entendu de leurs propres oreilles et qui ont vu de leurs propres yeux ont confirmé les paroles entendues. C'était des témoins oculaires. Les autres, ils ont entendu Jésus le dire. Ils ont vu Jésus faire ce qu'il a fait. C'est pour ça que celui qui devait remplacer Judas devait être un témoin oculaire à partir de Jean jusqu'à sa résurrection. Il devait être un témoin oculaire pour pouvoir dire, je l'ai vu, je l'ai entendu. Parce que vous savez que pour moi, plus qu'il y a de personnes entre la parole dite et moi, s'il y a 10 personnes, ça a bien plus de chances de changer que si moi je te dis, je l'ai entendu de mes propres oreilles et je te le dis. Jésus en a parlé, l'a annoncé. L'a proclamé ce salut-là, les apôtres qui ont entendu les témoins oculaires confirment ce qui a été dit, confirment l'évangile. Si vous parlez avec les apôtres, si vous parlez avec ceux qui étaient vivants au temps de Jésus, ils vont vous confirmer que c'est vrai. C'est pour ça que Luc dit à Théophile, j'ai été faire des recherches auprès des témoins oculaires. Afin de te convaincre, Théophile. Et au verset 4, il dit, Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges, divers miracles et par des dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Donc, il dit, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Et pour nous montrer que ceux qui l'ont entendu et qui l'ont répété, les apôtres, qui disaient vrai et que ce qu'ils avaient annoncé, c'était bien ce que Jésus avait annoncé. Et Dieu ici, pour qu'on croie que ceux qui ont écrit le Nouveau Testament, ceux qui ont prêché à la suite que Jésus était parti, hein, après qu'il était monté au ciel, ceux qui ont continué à prêcher le message de Jésus, il dit pour que vous soyez certains qu'il vous disait bien ce que Jésus avait dit, Dieu a appuyé leur témoignage, leur prédication, leur sermon par des signes, par des prodiges, par des miracles. Si Nicodème a dit, nous croyons que tu viens de Dieu à cause des miracles que tu fais. Je crois que on pouvait dire, bon, nous croyons que Dieu est avec vous dans la proclamation que vous faites, et nous croyons que vous dites la vérité parce que Dieu appuie par des signes, par des prodiges, des divers miracles, par des dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Dieu a appuyé votre ministère, votre travail par des choses qu'aucun homme ne peut faire par lui-même. Et ça, pour ce faire, il est facile pour nous autres d'aller voir dans les actes des apôtres et de constater les miracles qu'ils ont faits. Jésus a fait beaucoup de miracles. Il a fait des choses grandioses et ça l'a convaincu les gens de son temps que cet homme-là avait quelque chose de spécial et qu'il venait de Dieu. Ça veut dire qu'ils ont cru et qu'ils se sont convertis. Mais il voyait bien que cet homme-là avait des façons d'agir, il avait des pouvoirs qu'il ne pouvait pas faire autrement que de venir de Dieu. Certains, dans leur folie, ont dit que ça venait du diable. Mais la plupart ont cru que ça venait de Dieu. Et quand les apôtres ont commencé à faire des miracles à leur tour, ceci confirmait que leur parole était de Dieu, qu'ils disaient la vérité par rapport au salut, par rapport à Jésus. Ceci étant confirmé, aujourd'hui, il ne faut pas croire quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui vient et qui part, disant que Dieu a dit, des Joseph Smith, des Monsieur Russell, qui disent avoir reçu des révélations divines, des révélations angéliques, des anges leur ont apparu, puis leur ont donné des messages, des Mahomet, etc., etc., et toutes sortes de saints qu'on veut bien annoncer. Méfions-nous. Le message a été annoncé d'abord par le Seigneur Jésus-Christ et a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Dieu a confirmé auprès de ceux qui ont entendu Jésus parler leur témoignage par des miracles. Ça n'a pas duré tout le temps, ça. Ça a duré pendant le temps qu'il y avait des gens qui étaient envoyés du Seigneur Jésus-Christ, qui avaient entendu, qui avaient vu de leurs propres oreilles et de leurs propres yeux ce que Jésus avait dit, ce que Jésus avait fait. À eux, Dieu a rendu témoignage par des signes, des miracles, des prodiges, des dons. Des dons du Saint-Esprit qui ont amené ces gens-là à avoir des révélations, à faire des prophéties, à faire des miracles, et à manifester la puissance de Dieu. Mais qu'ils l'ont entendu, par ceux qui l'ont entendu. Remarquez bien ça. Ça n'a pas été confirmé par d'autres qui ne l'avaient pas entendu. C'est à eux. Donc aujourd'hui, ces soi-disant faiseurs de miracles-là qu'on entend, selon moi, c'est de la supercherie. Ça ne vient pas de Dieu. Mais ici, le texte nous dit, Jésus est d'autant supérieur aux anges que si on rejette les paroles du Seigneur Jésus et de ceux qui l'ont entendu et qui nous les ont transmises, il n'y a pas de salut possible. Il n'y a pas de salut possible. Il va le répéter au chapitre 6. Il va le répéter au chapitre 10. Il n'y a pas de salut possible. Rejeter les paroles des hommes, c'est une chose. Rejeter les paroles du Fils, c'est une condamnation certaine et éternelle. Donc Jésus étant supérieur aux anges, les conséquences de rejeter ce qu'il dit est d'autant supérieure. Ceux qui avaient rejeté certains prophètes pouvaient quand même, un jour ou l'autre, changer d'idée et se convertir. Mais si je rejette le Fils, vers qui est-ce que je pourrais me convertir? Si je rejette un enseignant, c'est correct. Je peux me tourner vers un autre enseignant qui va me parler du Seigneur Jésus-Christ. Mais si je rejette Jésus, il n'y en a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre enseignement, il n'y a pas d'autre source de salut. Si je n'ai pas Jésus, j'ai plus rien. Je ne peux pas me tourner vers un autre. Le châtiment qui est annoncé ici fait de Jésus de quelqu'un de supérieur aux anges. Pour nous qui sommes ici aujourd'hui, ce que nous avons, c'est les Écritures. Les Écritures nous parviennent de la première génération, des gens qui ont entendu et qui ont vu ce qui a été dit par eux. Avait été confirmé par des miracles. Donc, le Seigneur nous donne la grâce de rester attachés aux Écritures, de ne pas se détourner des Écritures. C'est tout ce que nous avons. C'est tout ce que nous avons. Et c'est tout ce que nous avons besoin. Père éternel, merci. Merci de nous avoir démontré avec certitude que ce qui nous a été annoncé par Jésus et par les apôtres, c'est la vérité. Tu nous l'as confirmé. Tu nous l'as confirmé en ressuscitant le Fils. Tu l'as confirmé en faisant des miracles auprès de ceux qui avaient entendu et vu. Ô Seigneur, donne-nous de toujours rester attachés au salut annoncé d'abord par Jésus. C'est en son nom que nous te prions.